Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mardi 24 mars, il est 10h02 exactement. J'espère que vous avez bien dormi, nous on a bien dormi. Il fait beau encore aujourd'hui à La Rouxière, le ciel est bleu. Bonjour Kemen, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors aujourd'hui, le sachais-tu, en Ouganda, nous fêtons le jour de l'arbre. Alors je vous propose peut-être, si vous avez un arbre à proximité, d'aller lui faire un petit bisou et de le remercier. Nous souhaitons également aujourd'hui, mardi 24 mars, une très très bonne fête à tous les Adémars et aux Catherine. Alors à toutes les Catoches que nous connaissons, parce qu'on en connaît plusieurs, on vous fait des gros abécos. Aujourd'hui, 24 mars, c'est également la nouvelle lune en bélier. Nous vous ferons un petit point astrologie à la fin de cette émission, pour que vous sachiez tout sur, non pas le zizi, mais sur la nouvelle lune en bélier. Aujourd'hui, nous fêtons également l'anniversaire de la sortie de l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, sorti le 24 mars 1973. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, on vous conseille d'y aller incessamment sous peu. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire d'Harry Houdini. Alors, un très joyeux anniversaire à C'est également aujourd'hui l'anniversaire d'Harry Houdini. Harry Houdini qui fête son anniversaire. Harry Houdini magicien, Harry Houdini illusionniste. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Steve McQueen, de Jean-Louis David, mais également de Jean-Pierre Coff. Alors Jean-Pierre Coff, on se souvient de lui et de ses nombreuses interventions télévisuelles. Mais c'est de la merde! C'est également l'anniversaire d'Alison Hannigan, Alison Hannigan de Buffy contre les vampires, de How I Met Your Mother, qui disait si bien d'ailleurs. Et c'est aussi l'anniversaire de Jessica Chastain, de Frédéric Bell. Mais surtout, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Corneille. Alors Corneille, c'est les années 2000, Corneille. Corneille, c'est Seul au monde, c'est... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Corneille? Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Évidemment, Corneille, il a aussi fait Danse avec les stars, mais ça, on va pas trop lui reprocher. Alors du coup, qu'est-ce qu'on Merde. Moi, j'avais pas cette info. Ah ouais? Si, il a fait Danse avec les stars, Corneille. Là, j'ai beaucoup moins envie d'écouter Corneille. Là, et je crois pas du tout qu'il ait gagné, je crois qu'il a fait vraiment très bas dans le gain de Danse avec les stars. Hein, ouais. Alors qu'est-ce qu'on écoute de Corneille aujourd'hui, Kemen? Bon, on va écouter Seul au monde, avec un peu moins d'engouement qu'il y a 5 minutes, maintenant que j'ai appris qu'il avait fait Danse avec les stars. Mais bon, un moment nostalgie. Hein. Alors Douglas Wilson nous dit que Corneille a également fait le Cid. Il a également fait le Cid? Ouais, c'est une blague littéraire. Oh putain, ouais d'accord. Bravo Douglas Wilson, elle était belle. Bon, c'est le matin, on va mettre un petit peu de temps à comprendre toutes les blagues, mais envoyez-nous vos blagues, hein, nous on apprécie. Et ben c'est parti, Corneille, Seul au monde. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent, les requiem que je me chante. Je joue au dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, monte jamais tes faiblesses, et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté reste. pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier. D'ailleurs, je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je suis face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul. J'haïs Noël et toutes ces bêtes fêtes de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. J'suis jaloux de vous les chanceux qui prenaient votre chair et votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis. C'est pas vrai mais pour être fort c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive faut que je reste dans mon rôle. Quoi qu'il arrive faut pas que je perde mon contrôle. Je pense à moi avant le reste du monde car avec les années je me suis rendu compte. Si c'est pas moi, ce sera personne. Pas ni pas toi, ni personne. Ici, ben c'est chacun pour soi. Pour les pauvres et fiers solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seul face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul. Bon, on est de retour dans la matinale, on s'écoutait Corneille, on s'écoutait Corneille, champion du monde de cache-cache 1994. Voilà, Chloé, je vous laisse. Alors, écoutez, nous, à Radio des Boncons, on est plus fort que BFM TV, on est premier sur les infos, et les infos du matin sont assez tristes, puisque nous nous réveillons en apprenant la mort de Manu Dibango, un saxophoniste et chanteur camerounais, il avait 86 ans. Et ça vient de tomber, à l'instant, nous apprenons la mort d'Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix. Alors, bah écoutez, en hommage, je vous conseille de tous soit ouvrir une petite BD qui se trouverait chez vos parents, ou bien de regarder Astérix Mission Cléopâtre, parce qu'on l'a jamais vu, et qu'il est vraiment bien. Sur des notes un peu plus joyeuses, nous accueillons aujourd'hui notre invitée de la matinale. Notre invitée de la matinale est une invitée. Cette invitée peut-elle se présenter ? Bonjour, invitée ! Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous êtes qui exactement ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Aurélie, Nini pour les intimes. Donc, je ne fais pas partie des bons cons, mais j'ai parmi les bons cons des personnes que je connais. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'être l'invitée de la matinale. Voilà, je vous écoute régulièrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment de la journée, plus particulièrement, vous nous écoutez ? Alors, ben, j'écoute, j'aime vous écouter, hein, la matinale, puisque on ne va pas le cacher, hein, je connais Chloé et Kéman. D'ailleurs, je vous passe le bonjour. Et donc, j'aime écouter la matinale quand elle a lieu, puisque c'est vrai que dernièrement, je ne savais pas que la matinale n'avait pas lieu le week-end, donc je m'étais branchée sur la fréquence. Alors, d'ailleurs, tant à parler de ça, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs quelle a été votre réaction samedi? Quand il était 9h et que vous avez vu qu'il n'y avait pas de matinale. En voyant l'heure tourner, je me suis dit, mince, Chloé et Kéman ne se sont encore pas réveillés. Donc, j'ai saturé la boîte SMS, on va dire, de Chloé, de texto, en lui disant, debout là-dedans il est 9h02, il est 9h03, etc., etc. J'ai même fini par essayer d'appeler Chloé, qui m'a finalement renvoyé un SMS en me disant « Non, mais il n'y a pas la matinale aujourd'hui, Aurélie. Va te coucher. Voilà. » Je tiens à signaler à nos auditeurs que tout ça, hein, pendant ces échanges de messages, j'étais bien au chaud dans mon lit, puisque c'était la grasse matinale. Mais c'est pas grave, j'ai aimé votre enthousiasme. C'est pour ça qu'on a voulu vous avoir ce matin dans la matinale. C'est pour cet enthousiasme si matinal que vous avez, chère Nini. Merci beaucoup. Et en dehors du temps, ben j'écoute aussi la radio des Boncons l'après-midi. J'aime beaucoup le point confinement. D'ailleurs, j'ai écouté hier une partie du point confinement en faisant mon jardinage. Voilà. Ah, donc le jardinage est une activité qui vous occupe pas mal pendant votre confinement, chère Nini ? Bien, c'est vrai que ces années passées, j'ai pas été très active au niveau du jardin. Et puis là, finalement, le confinement, c'est l'occasion de prendre soin de son jardin intérieur, mais également de son jardin extérieur. C'est beau. Est-ce que vous suivez le point astrologie, Nini ? Pardon ? Est-ce que vous suivez le point astrologie de la radio des Boncons ? Bien sûr, je suis une fervente admiratrice de la personne qui fait ses points à trop. On lui transmettra. Alors, on a une question pour vous de la part de Souko Soulard qui nous dit « Est-ce qu'elle a écouté le point potager de Julien ?» Alors, je suis super déçue parce que j'avais entendu dans un précédent point confinement, je crois, qu'il y aurait le point potager. D'ailleurs, je voulais vous souffler l'idée de l'appeler le bon coin poste. Voilà. Oh, excellent. Et du coup, je l'ai loupé, le coin potager. Et je crois que ça parlait de la carotte, non ? C'est bien ça ? Alors, j'avoue que je n'ai pas écouté. Non. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais il est disponible en... Il est disponible. Ah bah attendez Nini, nous on doit préparer une matinale, ça prend du temps, vous savez. Hein. Ah oui, excusez-moi, bah oui. Il y a des gens qui travaillent. Exactement. Donc vous pouvez le retrouver en podcast, hein, le point potager. Alors, on a plusieurs questions à vous poser. Alors, il y a peu de gens qui nous écoutent ce matin. Les gens font la grasse mat, mais alors ceux qui sont là, ils sont là. Hein. Ils posent des questions, ça y va. Alors, nous avons une question de Théro qui nous dit « Aurélie, dit Nini, c'est quoi votre signe astro ? J'espère que vous êtes Capricorne, comme ça Chloé fera le mien. » Alors, Théro, eh bien, je suis poisson, ascendant Capricorne. Oh voilà. Et il y a un lien entre nous, Théro ? Je ne sais pas. Eh bien, c'est un très beau signe, les poissons. Vous venez de clôturer un cycle et on vous en remercie. Sacré poisson. Alors, on a des remarques désobligeantes de Douglas Wilson qui nous dit « Il n'y a que les vieux qui sont levés à 7h. » Pardon. Je suis hyper choquée de ça. On a une question de C'est pas ma cam que vous connaissez sous le nom... Je crois que cette personne, c'est Elsa Jeanne, mais je ne suis pas sûre. Ah oui, Nini. Que j'ai entendu hier, d'ailleurs. Oui. La matinale. Nini, est-ce que toi aussi tu fais une cure de sébum en boubou en buvant du concombre ? Alors, Elsa, donc ma réponse est oui, je fais une cure de sébum. Et d'ailleurs, je remercie la radio des Boncons pour ces petits trucs et astuces, beauté. Donc, je fais la cure de sébum. En revanche, je bois de la tisane de menthe marocaine. Voilà. Alors, et je ne suis pas en boubou. mais je suis en jogging. Ah ! Alors, du coup, c'est très bien cette petite transition. Ça me permet de vous poser la question. En attendant la nouvelle chronique beauté à 14h, j'ai envie de vous demander, Nini, quelle est votre routine, votre morning routine ? Alors, comment ça se passe quand vous vous levez, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous êtes dans votre lit ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous ? Je ne sais pas, peut-être. Dites-nous tout. Alors, ma morning routine, vous voulez la morning routine du confinement ou la morning routine habituelle ? Alors, est-ce que ça a beaucoup changé ? Non. Alors, il y a quelques... Bon, c'est quand même un facteur qui a fait évoluer quelques paramètres. Tout n'a pas complètement changé. Donc, pour commencer, je me réveille des deux yeux, en général. Puis, j'effectue une rotation sur le côté de mon lit et je pose les deux pieds en même temps par terre. Voilà. Ah oui, vous êtes comme ça, vous ? D'accord. Je ne me lève ni du pied droit ni du pied gauche, voilà, pour éviter toute superstition. Je mets les deux d'un coup. Voilà. Je fais un petit tour aux toilettes parce que c'est important d'uriner hein, et d'évacuer. Et ensuite, je descends dans la salle de bain. D'accord. Et comment... Alors, vous êtes team salle de bain avant team petit déjeuner. Tout à fait, puisque je fais partie des vieux, donc j'aime être propre quand je prends mon petit-déj. D'accord, ensuite comment ça se passe pour votre petit-déjeuner ? Vous êtes team café, thé, alors si c'est thé vert ou thé noir ? Team chocolat alors, chaud ? Non, donc après ma toilette au savon naturel doux fabriqué à côté de chez moi, je sors de la salle de bain et en fait je pratique, d'habitude je prends un muesli pour le petit-déj, donc petit flocon d'avoine, cacahuètes, pommes et lait de riz coco. Mais là, durant le confinement, j'ai décidé de tester ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne mange pas jusqu'à midi. Ça permet de détoxifier le corps et puis je retrouve un regain d'énergie finalement. Donc, jusqu'à midi, en fait, je ne fais que boire de la tisane. Donc, soit de l'eau chaude avec du citron, soit verveine citronnée, menthe marocaine, menthe poivrée, suivant les envies. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, c'est ce que je fais, le jeûne intermittent. Sauf que, contrairement à vous, c'est plutôt la quarantaine qui a mis ça entre parenthèses, puisque je suis chez mes parents et qu'il y a tout le temps des trucs à manger. Et donc, du coup, je bouffe le matin, alors que ce n'était pas le cas avant. Bien sûr, le tout est de ne pas succomber à la tentation. Exactement. Nous avons plusieurs... Théro nous dit, moi aussi, je fais un jeûne intermittent. Moi aussi, je me fais un jeûne intermittent. Je Bravo. Pense qu'il parle pas du petit déjeuner. C'est cocasse. Et alors, donc, et votre compagnon de vie, lui, comment ça se passe ? Il est aussi, je crois me souvenir que pour le matin, le petit déjeuner est constitué de chocolat chaud. Alors, mon compagnon a fait récemment une découverte, c'est que il s'est rendu compte qu'en mélangeant le café et le chocolat chaud le matin, c'était pas très digeste. Donc voilà, et suite à cette découverte, il a décidé de laisser de côté le chocolat chaud qu'il pratiquait quand même depuis son plus jeune âge. Ça a été dur pour lui, mais voilà, il a passé le cap. Maintenant, il est à l'âge adulte, il boit du café le matin. C'est incroyable, je suis vraiment étonnée de cette nouvelle. Oui. Alors, nous avons une question de Théro. Nini, savez-vous ce que mange Alain Soulard au petit déjeuner ? Alors, Alain Soulard... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne pourrais pas deviner, puisqu'Alain Soulard a quand même une personnalité particulièrement, on va dire... il est imprévisible un peu, quoi. Ah bah, il est Gémeaux. Donc je ne saurais dire. Mais en revanche, je suis curieuse de savoir ce que petit déjeune Alain Soulard. Eh bien, écoutez, je pense que nous lui demanderons un matin, hein, nous ferons la morning routine d'Alain Soulard. Alors, Sucre Soulard nous demande une anecdote sur Madame l'animatrice de la matinale et une anecdote sur Monsieur l'animateur de la matinale. Oula. Alors, une anecdote... sur Monsieur de la Matinale, j'en aurais pas beaucoup puisque on se connaît, mais finalement on s'est peu côtoyé, je pense. Sur la Madame de la Matinale, en revanche, je pense que j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter. Alors choisissez-les avec attention. Je vous rappelle que mes parents écoutent cette radio. Oui, bien sûr. Mais en fait, là, du coup, je suis un peu prise de court. Là, spontanément, j'ai rien qui me vient. Et c'est fort c'est pas très grave, hein, c'est vraiment pas grave. C'est vrai. Moi, j'en ai une, si vous voulez, à raconter sur notre invité d'aujourd'hui. Il s'avère qu'avec Madame Nini, nous avions fait, il y a quelques années, on s'était incrusté à une soirée dans le village où j'habite hein, actuellement, la Rouxière. C'est ça que je pensais, en fait. Je me suis dit, bon, est-ce que je le fais? Je sais pas. C'était un bal champêtre et nous avons fait un karaoké et on a tout déchiré. On était quatre, on a tout déchiré sur Toutes les femmes de ta vie, DL5. Et on est d'accord, Nini, c'était mémorable. C'était mémorable et je pense qu'on a été comme une bouffée d'air frais pour les gens qui habitent la Rouxière puisqu'on est passé quand même, je pense, en dernière. Et en fait, malgré le fait qu'on ait bu quelques verres avant, je pense qu'on était parmi celles qui chantaient le mieux. C'est vrai. Non? Ah bah clairement. ou alors mon taux d'alcoolémie a un peu déformé ma mémoire, je ne sais pas. Alors, Douglas Wilson nous dit, peut-on vérifier que Kéman ne dort pas? On l'entend plus, je commence à m'inquiéter. Il rit depuis tout à l'heure. Il touche des boutons. Et c'est pas une métaphore, il touche vraiment des boutons. Pas à l'antenne, voyons, quand même. Mais écoutez, je vous remercie, Nini. Je laisse à nos auditeurs encore un petit peu de temps pour nous envoyer les questions pour toi. Moi, en tout cas, je suis très contente de t'avoir eu. Petite question qu'on n'a pas posée. On a des auditeurs de toute la France. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes situé au niveau métropole? Oui, bien sûr. Donc, j'habite le Finistère et plus exactement Plomeur-l'Anverne. Voilà, situé dans la baie d'Audierne, non loin de Quimper. Ma maison est en campagne, mais je suis à 10 km de la mer. Voilà. Et comment ça se passe J'ai oublié de vous demander comment ça se passe pour votre travail. Est-ce que vous êtes en télétravail actuellement ou est-ce que vous êtes en chômage technique? Non, alors j'ai la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais pour l'instant je suis encore en télétravail. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je suis animatrice environnement à la communauté de communes de mon territoire, donc du Haut-Pays Bigoudin. Et j'avais la chance de n'avoir pas prévu d'animation pour le mois de mars, puisque je suis actuellement en train de travailler sur mon programme d'animation estivale. Donc je suis en train de finalement préparer mes futures animations pour cet été, pour les touristes, mais aussi pour les habitants du Haut-Pays Bigoudin. Je vous remercie pour toutes ces informations, c'est très complémentaire. Et on vous remercie pour ce que vous faites d'ailleurs pour l'environnement, bravo. Merci à vous. Alors, dernière question de Loyo qui nous dit « Bonjour Nini, d'où vient ce surnom qui n'a pas grand-chose à voir avec votre prénom qui est Aurélie, si mon ouïe ne m'a pas fait défaut ?» Tout à fait. C'est une question que je me pose moi-même finalement. J'ai été affublée de ce surnom depuis mon plus jeune âge. C'est je crois un des voisins de mes parents qui avait décidé de m'appeler Nini et c'est quelque chose que je traîne depuis, mais c'est pas un boulet, hein, je l'assume, je l'aime, c'est une partie de moi, c'est ma personnalité, c'est Nini. C'est magnifique ce que vous dites, Madame Nini. Oh, vous êtes si poète, si tôt le matin. C'est magnifique. Oui, à 10h30, c'est vrai qu'il est tôt. Moi, je suis debout depuis 7h. Donc voilà, mon cerveau est en pleine ébullition actuellement. Wow. C'est pour ça peut-être. Bravo. Alors, on admire vraiment, vraiment les gens qui se lèvent aussi tôt. Loyo, du coup, dit on embrasse bien fort ce voisin alors. Oui, Christian Bénard, je l'embrasse. Je pense pas qu'il nous écoute, mais je l'embrasse. Merci Nini. Merci. On vous embrasse très très fort, on vous fait plein de Gilbert Bécaud. On vous dit, oui. On vous souhaite bon merci, courage merci pour ce confinement. Merci de m'avoir appelé, je suis vraiment contente d'avoir participé à cette émission et puis de continuer. Hein. Je félicite votre investissement en cette période de grande solitude pour certains Et c'est un rayon de soleil dans nos petits 20 mètres carrés ou dans nos grands 300 mètres carrés, je ne sais pas, mais en tout cas, continuer, c'est que du bonheur. Et puis, je vous Gilbert, moi aussi, voilà. Ah, merci Nini. Bisous, bisous. Beko. Bisous, bonne journée. Salut. Salut les bons cons. Bon, et nous, on va s'écouter, comme d'hab, notre petit classique reprise de Philippe Catherine, Francis et ses peintres. Et cette fois, c'est une reprise du Coup de folie. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi ? Eh, on est de retour dans la matinale des bons cons. Rebonjour à vous si vous venez de nous rejoindre. Et on est toujours là pour ceux qui nous suivent depuis le début de la matinée. Enfin, qui a commencé à 10h pour nous. Hein, voilà, la matinée commence à 10h, c'est tout, point barre. On va passer à la petite chronique musicale. Donc je vous ai déjà parlé de Radiohead, de Phoenix et de Arctic Monkeys. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un autre groupe, ou d'un, en tout cas d'un faux groupe, puisqu'en fait c'est un individu seul, ça s'appelle Tame Impala. Vous avez déjà dû entendre des morceaux de Tame Impala sur notre antenne, hein, notre directrice des programmes aime beaucoup ce groupe, donc ouais, on a quelques morceaux dans la dans la liste des morceaux qu'on passe, notamment Eventually, que vous reconnaîtrez peut-être, hein, je vous invite à le shazamer s'il passe à vos oreilles. Donc on va parler de Tame Impala, donc c'est un groupe qui vient de sortir un album d'ailleurs, qui s'appelle The Slow Rush en 2020. Voilà, maintenant c'est un groupe de pop, rock, assez connu, hein, ça fait tous les plateaux américains, ça fait Jimmy Kimmel, ça fait Jimmy Fallon, ça fait tous les Jimmy aux États-Unis. Coachella aussi, hein, voilà, c'est maintenant, voilà, et ça produit des divas et tout, enfin, on est sur du gros level. Donc Tame Impala, qui est-ce? C'est juste Kevin Parker. Voilà, donc j'attends les jeux de mots de Doug là, par rapport à ça. Kevin Parker, voilà, il connaissait ses morceaux sur le bout des doigts, blablabli, blablabla, c'est bon, hein. Kevin Parker qui est australien. Alors, il est batteur, il est guitariste, il est bassiste, il est joueur de synthé, il chante sur ses propres morceaux et il s'enregistre tout seul et il se produit tout seul. Voilà, ce mec fait tout. J'imagine qu'il fait la cuisine et le ménage aussi, voilà. Donc il a commencé à sortir un premier album qui s'appelle Inner Speaker en 2010. Avant ça, il avait sorti quelques singles. On est sur de la musique à ce moment-là très psychédélique, axée autour de la guitare. Donc le mec, il aime Pink Floyd, visiblement. Il aime beaucoup les Beatles aussi. Donc il y a un premier titre qui est sorti qui s'appelle A Full Glass of Wine, qui est vraiment très guitare, très... années 70, quoi. Et il sort son album Inner Speaker en 2010. Je vais vous faire écouter un petit extrait de ce que faisait Tame Impala à l'époque. Donc en 2010, on était vraiment sur de la musique psychédélique à fond les ballons. Et c'est parti, ça s'appelle Expectation. I'm Voilà, c'était donc Expectation de Tame Impala. Donc on est sur leur premier album, vous voyez bien un peu l'influence dans le chant très Beatles et puis des guitares un peu avec des delays qui partent dans tous les sens, des effets un peu dit gros phaseur, hein, à la Pink Floyd. Donc voilà, vous connaissez peut-être Tame Impala avec des morceaux comme The Less I Know The Better, des tubes un peu pop, sur leurs origines on en était loin. Donc premier album Inner Speaker, si vous voulez... Vous tapez un petit voyage psyché, je sais pas, vous avez un coin de balcon, vous avez des champignons hallucinogènes, gobelez, posez-vous dans sur votre balcon, mettez cet album et regardez le ciel, je pense que vous pouvez passer un très très bon moment. Moi personnellement, l'album avec lequel j'ai découvert Tame Impala, c'est celui sorti en 2012, L'Honorism, qui est une grosse tuerie. Au pareil, hein, pour les champis, le balcon, le ciel, vous pouvez y aller avec L'Honorism, vous êtes sur le même type de voyage. Qui a été composé à Paris. Tame Parker s'est installé là-bas avec sa copine Melody Pritchett, qui est la chanteuse de Melody's Echo Chamber, autre groupe que je vous conseille fortement. Donc là-bas, il a composé et enregistré L'Honorism, où il y a des morceaux comme Elephant, là, que vous connaissez peut-être, ou It Feels We Only Go Backwards, celle qui fait It Feels Like We Only Go Backwards, Baby. Voilà, donc des tubes en devenir, on n'en est pas encore sur ce que Kevin Parker a pu faire avec ses deux albums précédents en termes de notoriété, mais voilà, c'est assez impressionnant. Donc ce mec se produit tout seul, pour les geekos de musique, on est sur du travail de malade, il a plein de matos, il enregistre sa batterie avec pas grand chose, ses synthés avec pas grand chose, ses guitares pareil, mais c'est ça qui donne une énergie et un truc vraiment vivant dans sa musique. L'Honorism, donc c'est cet album avec... en pochette une photo de l'entrée du parc des Invalides à Paris. C'est son meilleur, c'est son plus complet, c'est celui qui s'écoute de A à Z et on voyage énormément avec lui, c'est celui qui nous raconte une histoire en fait. Donc si vous devez prendre 45-50 minutes de votre journée aujourd'hui à vous poser le cul dans un canapé et écouter que de la musique, prenez l'album de Tame Impala, L'Honorism. Personnellement, évidemment, il y en a qui ont découvert Tame Impala après, pour moi tout ce qui est après c'est plus ou moins de la merde. Voilà. En toute subjectivité. Allez, et ben voilà, comme prévu, un jeu de mots de Damien qui me dit « Est-ce que pour ses concerts, Tame Impala connaît ses chansons par cœur ?» Référence pour ceux qui nous rejoignent au nom du créateur de Tame Impala, Kevin Parker. Voilà, c'était couru d'avance, évidemment, hein, pour ceux qui sont là depuis le début de l'émission. J'avais annoncé une blague de merde du bon Doug, et elle est arrivée sur un plateau, finalement. Donc avant de s'écouter un morceau de l'album L'Honorism, qui est pour moi mon préféré absolu, je vais quand même parler des albums suivants. En 2015, il y a eu Currents, où là on a beaucoup plus de synthé, on sent que Kevin Parker, il a un petit peu, j'ai pas envie de dire les dents qui rayent le plancher, ce serait bâtard, mais qui... des élans pop, on va-t-on dire, avec son morceau The Less I Know The Better, qui est hyper connu là. Évidemment, quand c'est pas moi qui le chante, il est beaucoup plus reconnaissable. Voilà, The Less I Know The Better. Et là, en 2020, il nous a sorti une bonne grosse boost pop, en toute subjectivité, qui s'appelle The Slow Rush. Alors certes, c'est toujours le roi de la production de l'enregistrement. En termes d'enregistrement des batteries, pour les puristes, on est sur quelque chose de très pointu. Mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la soupe. De la soupe, moi je dis de la soupe. Voilà, entre-temps, il a produit quelques chanteuses pop, il a produit quelques rappeurs, Theophilus London, il s'est installé à Los Angeles, depuis 2 ans, il habite à Malibu. Donc j'imagine que le boulard, tout ça, voilà, quand on voit tous ses copains stars américaines à Malibu en train de prendre des smoothies fraises, bananes, kale, j'imagine qu'on a envie d'être comme eux, et donc on achète des synthétiseurs et on arrête de faire de la bonne musique. Tandis que quand on est à Paris, forcément, là, la vie de lumière, l'amour, ça nous inspire... Et on fait des chefs-d'œuvre comme L'Honorism. Donc bon, évidemment, il y a deux écoles, hein. Je suis un peu dur et complètement subjectif, mais moi, si je dois vous conseiller un album de Tame Impala, aujourd'hui, c'est L'Honorism. Peut-être un peu par chauvinisme, parce qu'on est à Paris, mais je vais vous laisser juger par vous-même avec un morceau qui s'appelle Mind Mischief, qui vient de cet album L'Honorism. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'était Mind Mischief de Tame Impala. Ce morceau, moi, il me fait voyager de ouf. Là, quand ses synthés commencent à rentrer, j'ai l'impression de partir dans le cosmos. Donc voilà, si vous êtes déjà trop expert en Tame Impala et que vous êtes insatiable de musique psychédélique, faut savoir que en fait, Kevin Parker joue pas tout seul sur scène. Hein. Il a plein de copains qui eux-mêmes ont chacun leur groupe, qui sont eux-mêmes tous produits par Kevin Parker. Donc voilà, son ancien bassiste a créé un groupe qui s'appelle Pond. Donc voilà, super psyché avec des derniers morceaux assez pop. Son ancien batteur qui joue maintenant des synthés avec lui, parce que les mecs font tous tout, mais c'est des fous les Australiens. S'appelle Gum, G-U-M. Je vous ai passé d'ailleurs un de ses morceaux, enfin DJ Shorba vous a passé un de ses morceaux samedi soir dans la playlist. Quand vous parlez de DJ Shorba, vous parlez de Didier Chabord ? Didier Chabord, c'est son nom pour s'intégrer en France, hein, mais voilà, il s'appelle DJ Shorba, mais l'état civil français, pour simplifier les choses, Didier Chabord, ça passait mieux. Vous savez ce que c'est, hein. Donc voilà, il y a toute une kyriade de... Une myriade, une kyrielle. Mais c'est... Voilà, hein. Une myriade et une kyrielle de groupes australiens qui gravitent autour de Kevin Parker. Donc faites-vous plaisir, allez écouter ça. Et on s'écoute le point astro, non ? Qu'est-ce que... Alors avant, la directrice des programmes me somme de parler des programmes de la journée. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit en début d'émission, le mardi 24 mars, et la radio a officiellement une semaine, alors joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Joyeux anniversaire à la radio. Merci patron. Donc, à 13h, nous retrouvons le Wati Boncon. Je ne sais pas ce que c'est une surprise, une nouveauté. Le Wati Boncon, suivi de la rediff de la chronique cinéma. À 14h, vous retrouverez la chronique beauté de Louison, plus un poème, un jour un poème. Incroyable, un peu de culture hein, dans ce bas monde, ça me fait pas mal. Et ensuite, à 16h, comme d'habitude, comme tous les jours, vous retrouverez le point conf avec Ophélie. Eh bien, tout de suite, comme nous l'avons dit en début d'émission, aujourd'hui, mardi 24 mars, c'est la nouvelle lune en bélier. Donc, nous avons notre astrologue qui nous a fait un petit point astro. Bonjour les doux, bonjour les douces et bienvenue pour un nouveau point astrologie. Pourquoi ce nouveau point astrologie ? Eh bien tout simplement puisque mardi 24 mars c'est la nouvelle lune en bélier. Alors pourquoi elle est importante cette nouvelle lune ? Eh bien tout simplement parce que c'est la première de cette nouvelle année zodiacale. Et attendez-vous à des énergies fortes. Cette nouvelle lune en bélier, qui est également sextile à Saturne en Verseau, nous apporte un dynamisme, le dynamisme du bélier, le je, l'ego. Les choses changent dans le bon sens. Cette lune nous pousse à l'action, elle nous amène des nouvelles énergies, elle nous encourage à surmonter nos peurs, les obstacles, et elle nous donne un élan d'optimisme. Alors sextile à Saturne en Verseau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement cette lune est dynamique, mais elle nous pousse à aller au bout des choses. Elle nous donne confiance en nous. On a également une très belle configuration planétaire qui apporte solidité, sincérité et profondeur affective. Sous de telles influences, les célibataires pourraient certainement faire une rencontre. Et si vous êtes en couple, tout va bien pour vous, profitez-en. Bref, cette nouvelle lune qui ouvre le cœur et qui permet d'aller vers l'autre nous aide également pour conquérir l'objet de nos désirs. Ça, c'est le sextile Mercure-Uranus qui nous donne un petit peu d'audace. Mais cette nouvelle lune nous permet également de montrer à nos proches qu'on tient à eux. Comme je disais tout à l'heure, préparez-vous à une vague intense d'énergie. Prenez un temps pour poser vos intentions pour l'année à venir. Un peu comme les résolutions du nouvel an. Je vous rappelle que c'est le début d'une année zodiacale. Alors Bélier, je le rappelle, hein, profitez de son énergie. Le Bélier, c'est la planète Mars. Mars est le mâle alpha, le viking, il est dans l'action. Il est aussi dans la libido. Alors, pour ceux qui ne peuvent satisfaire les plaisirs de la chair, je vous propose de faire du sport. Pour cette nouvelle lune du 24 mars, il faut faire un focus sur toi et sur ce que tu veux dans la vie. Parce que la vie change en ce moment. C'est le moment de se lancer, de tenter des trucs. Si vous avez un crush, par exemple, go ! C'est le moment de lui dire ce que tu ressens. À la bélier ! En tout cas, cette saison commence sur les chapeaux de roue. Il y a une impulsion de vie partout. Alors oui, c'est dur en ce moment avec le confinement. Mais voir la nature reprendre aussi vite ses droits, c'est chouette, non ? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau point astrologie. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Oui, la lune taureau passe en poisson, ce qui veut dire que vos tartines de pain de mie seront trop grillées ce matin. Et vous êtes toujours sur la matinale des bons cons. Et nous sommes toujours en direct avec Kéman. Kéman, vous êtes pas balance ascendant connard, vous ? Mais comment vous avez deviné ? Je ne sais pas, c'est une intuition. Eh bien écoutez, l'émission arrive presque à sa fin. Malheureusement, je sais, vous êtes tous déçus, vous avez envie que ça continue pendant des heures et des heures. Mais malheureusement, il faut bien qu'à un moment, nous puissions aller faire caca, nous restaurer, respirer, vivre tout simplement. Hein. Vous nous accaparez un peu, mais vous nous étouffez, bon sang ! Laissez-nous respirer ! Eh bien écoutez, hier, hier Kéman a regardé un film, comme tous les soirs Kéman regarde des films, et nous fait un petit peu le résumé, mais en fait il a des problèmes de mémoire Kéman. Mais je fixe sur des trucs qui sont pas... j'ai du mal à comprendre les scénarios, je m'attache à des détails et pour autant je n'oublie des trucs primordiaux. Exactement, et l'oubli principal, hein, c'est vraiment le nom du film. Vraiment, ah, mais ça, j'arrive jamais. Pas, hein. Il n'arrive pas à remettre le doigt dessus. Donc. J'ai un nombre de VHS chez moi sans étiquette, c'est impressionnant. Donc je vous propose encore une fois le principe du jeu. Vous vous rendez sur la page Facebook de la Radio des Bons Cons. Donc vous ouvrez une page internet. Vous tapez dans Facebook, recherche la Radio des Bons Cons. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous l'appeler peut-être pour les gens qui n'auraient pas comment écrire bon con par exemple? L-A espace R-A-D-I-O espace B-O-N-S espace C-O-N-S. Voilà. Très bien, très bien. Donc rendez-vous sur le post, le dernier post Facebook de notre page Facebook. Ça fait deux fois Facebook. Oh là là, mais on a trop de pubs à Mark Zuckerberg en plus. Rendez-vous sur ce post et commentez le nom du film. Le premier qui gagne, voilà, encore une fois, on a un chat interne, mais ceux qui passent par le chat, on fera la sourde oreille. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc commentez ce post avec le nom du film que je vais vous décrire et ça part. En attendant, le temps que vous ouvrez une petite page Facebook, est-ce qu'on peut faire la dédicace du gagnant d'hier ? Bien sûr. Hier, c'est Loyo qui a gagné. Le film que je me rappelle déjà plus. Avec le mec qui bute son oncle sur des gnous, là. C'était le Roi Lion. Ah voilà, le Roi Lion. C'était le Roi Lion. Donc Loyo nous dit... Je fais une dédicace à tous les parents des bons cons, sans qui nous ne serions pas là pour animer, chroniquer ou tout simplement écouter. Je soumets la proposition suivante. Devrions-nous les rebaptiser les vieux bons cons ou les bons vieux cons ? Le débat est lancé, top à la vachette, bisous. Eh bien écoutez, Loyo, nous ne manquerons pas de repartager ce débat. Nous demanderons aux auditeurs de choisir. Je pense qu'on peut facilement laisser plusieurs jours aux gens pour choisir. Peut-être qu'il y aura un débat dans l'émission d'Ophélie. Peut-être qu'on peut lancer genre une question sondage sur le Facebook. Sondage, exactement, sur Facebook, sur Instagram. Pour avoir nous les ne votes. Manquerons pas. Merci Loyo, c'est une très bonne idée. On vous embrasse. Ah bon, eh ben, je vais vous parler de mon film. Tiens, d'ailleurs, en attendant que vous ouvriez la page Facebook, ouais, je lisais le film, là, Le Roi Lion, où le mec bute son oncle sur des se faisant écraser par des gnous. Mourir par des gnous, prendre le risque de finir sur les rotules, non? Voilà, c'est cadeau, celui-là, c'est pour bien faire votre journée. C'est incroyable. C'est pour tenir jusqu'au déjeuner celui-là, hein. C'est juste le petit casse-croûte, voilà. Donc je vais vous parler du film du jour. Alors, préparez-vous, chauffez-vous, parce que j'ai vu un film, j'ai pas tout compris. Alors ça me ressemblait à être un film, peut-être une fresque socio-économique, mais en tout cas le mec était banquier, ouais, il bossait dans une grosse banque, je sais pas, peut-être Rothschild, j'en sais rien, enfin, l'espèce de gros truc à open space, là, où tout le monde débarque et tout, gna. Mais le mec, il a l'air un peu chelou, parce qu'à côté de ça, bon, il a l'air de bien faire la fête et de bien vriller en soirée, quoi. Pff. Bon, après, je me dis, c'est un banquier, il doit peut-être prendre de la coke, peut-être qu'il picole trop, mais en soirée, c'est vraiment une autre personne, le type, mais il vrille total, il fait de ses conneries. Et en même temps, il prend un boulard de ouf, il prend la conf totale. Donc je me dis, bah ouais, la cocaïne, c'est fort probable. Et il a tendance aussi, quand il part en soirée, le mec, à forcer sur le maquillage. Genre, c'est chelou. Peut-être un peu trop d'eyeliner, je sais rien. C'est sur le fond de teint, surtout, que ça marque. C'est sur le... On a un truc un peu agressif. Alors, le mec est banquier, il commence à varier un peu en soirée, c'est chelou. Alors, tu vois, il y a des moments, il va genre en boîte de nuit avec sa vagot toute pourrie. Alors, par contre, le mec est looké, hein. Le mec, physiquement, il est looké, il s'est maquillé comme jamais. Mais, on a déjà quelqu'un qui a trouvé, mais je vais continuer mon histoire pour que tout le monde trouve, mais on a eu plusieurs propositions, je vous fais le listing après, je finis ma petite histoire. Donc le mec, il part avec sa vague toute pourrie, qui se dézingue de partout, et il est quand même bien sapé, puis il fait le beau gosse, malgré le fait qu'il soit maquillé avec un fond de teint, couleur un peu agressive quand même, pas très naturel, hein, tu vois, un peu pelouse. Et le mec, il veut impressionner, parce que, en fait, il y a une meuf qui le chauffe, c'est Cameron Diaz. Donc attends, Cameron Diaz dans les années 90, hein, pas Cameron Diaz aujourd'hui, botoxé et tout, hein. Donc, voilà, j'ai envie de dire, le mec, évidemment, qui donne tout. Bon, mais il a l'air un peu malade, quand même, dans tout ça, hein, parce qu'il est un peu verdâtre, hein, donc, Alors, effectivement, oh là là, mais le Doug, c'est bon, on a vu que t'avais gagné Damien, pas besoin de nous alpaguer par tous les moyens possibles. Là, je suis sûr, dans deux secondes, j'ai un Gmail et un SMS de Damien, et, c'est The Mask. Je laisse aux auditeurs le plaisir de jouer un peu aussi, bordel. Tu viens de le dire. Oui, je sais bien, mais parce que maintenant on est arrivé au bout du bout. J'ai dit Cameron Diaz années 90, le mec est vert, je pense que voilà, je pense qu'on a compris, c'était The Mask, merci. Moi-même, au fond, je le savais, Donc c'était bien The Mask, on a eu d'autres propositions intéressantes, le Loup de Wall Street. Ah, c'est... Ah, mais d'accord, ça clash sur le chat. Alors, Keman qui se permet de casser les blagues de Doug, MDR, je rigole des gnous. Et nous ne sommes pas rencontrés pour rien avec Douglas. Donc oui, évidemment, Damien, tu as gagné, c'est bien The Mask, hein, tu as été le plus vif, le plus rapide, et également le plus insistant et relou, donc ce qui fait de toi le vainqueur. Félicitations, c'était donc bien The Mask, avec Jim Carrey et... Jim Carrey qui tourne par rond. Cartouché. Voilà, merci. Et ben voilà, Damien, sache que tu as gagné le droit de faire une dédicace, peut-être un coup de gueule parce que tu t'es un peu trop fait lyncher aujourd'hui. Enfin, tu auras le droit à un petit message à passer à l'antenne qui t'appartient, où tu peux exprimer ce que tu as sur le fond du cœur, même si ça implique peut-être d'être un peu dur envers nous. Un petit mot pour se dire au revoir, Chloé, peut-être ? Mais écoutez, on va se laisser, hein, passer une belle journée. Comme d'habitude, on finit généralement sur une petite chanson un petit peu douce. Alors moi, j'avais envie de faire une petite dédicace parce que, Walou, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je pense bien fort à tous les gens pour qui c'est pas facile en ce moment, et surtout à ma collègue Sonia que j'embrasse très très très fort. Et je vous embrasse également tous les bons cons. Et voilà, hein, dites aux gens que vous les aimez, envoyez-leur des messages, prenez des nouvelles des uns et des autres. Et voilà. On s'écoute Nude de Radiohead et passez une bonne journée les cocos. Bisous d'amour. Bisous.